e anche nell'alma d'un tesio. C'est toujours ta seule réponse quand je te dis qu'il vaudrait mieux ne plus se revoir nous deux. J'étais certain cette fois qu'un homme le plus malheureux. Je m'apporte cette fois mon amour, tu as pleuré. J'ai voulu partir sans toi et sans foi je suis. Je t'aime, je t'aime, je veux te le dire. Je veux te revoir sourire. Rien qu'une larme dans tes yeux, c'est toujours ta seule réponse. Rien qu'une larme dans tes yeux, je veux te revoir sourire. Rien qu'une larme dans tes yeux, je